Règle générale, on essaie de moduler à moins 18, moins 12, genre. T'as entendu ma voix là? Si tu veux t'entendre plus fort, tu as un genre est-ce de que t'entends boost, ma voix? Un 10 dB de boost dans le moniteur mix là. Ok, good. Oui, j'entends ta voix. Fait que là, si je veux ma oui, toi, entends-tu ma voix? Thank you. Thank you. Mm-hmm.